Le bulletin de juin de l'Association d'amitié Bulgarie-Corée vient d'être publié à l'occasion des 52 ans de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée et des 16 ans de la publication de l'historique déclaration commune Nord-Sud du 15 juin. Il y a des numéros exaltant les exploits du général Kim Jong-il accomplis pour le renforcement du parti et la réunification du pays.